dans la zone 89. Mathieu Planchot. Dans Television, une faille dans YouTube permet de diffuser illégalement de la porno piratée. Et une faille dans YouPorn permet de regarder des épisodes de Ricardo. Dans le segment Geeks et Linux, les smartwatches peuvent savoir avant vous si vous allez tomber malade, mais est-ce qu'elles savent quand on va s'écœurer des montres intelligentes? Et dans Merci Science, des objets imprimés en 3D qui peuvent changer de forme à posteriori. Le Mathieu Planchot commence tout de suite. Celui qui aimerait changer la forme de son postériori, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 23 janvier 2017, comme toujours, la chronique télévisuelle Television, la chronique de sciences, technologie et médecine, merci science, le segment Geek Cynix. Dans quelques instants, ce sera en fait plus tard l'émission, j'oublie tout le temps. Une semaine sur deux, on a Samuel Girard avec nous. Donc, ce sera ça dans quelques moments à peine. Mais avant ça, quelque chose de spécial. On commence toujours habituellement avec de la musique de jeux vidéo, de la musique chiptune, créée à partir de consoles de jeux vidéo, quelque chose du genre. Aujourd'hui, à la place, on commence avec de la musique qui figure dans un jeu vidéo, mais plusieurs chansons en même temps. Dans le jeu Donkey Kong Country Returns, sur la Nintendo Wii, il y a plusieurs chansons thèmes de cartes. Donc, dans le jeu, tu as des cartes pour aller dans des tableaux. Et chaque carte a une thématique différente. Là, on les a mis toutes ensemble sur le site Super Mario Bros. C'est un excellent jeu de mots, Super Mario Bros, un de mes sites préférés, .com. Alors, on les a mis ensemble. Et normalement, ça devrait faire une espèce de ragoût, un gros chamaillage de chansons. Mais non, ça fonctionne très bien. Donc, allons entendre ça. Donkey Kong Country Returns, toutes les chansons en même temps. On met sur plan de show. We'll be right back. C'était Adele qui, quand Country Returns, toutes les chansons de la carte en même temps. Toujours Mathieu Plante Show, maintenant c'est d'un gamer à un autre. Samuel Girard, bon retour à toi. Hey! 2017! Yeah, bonne année! Bonne année! Tu es rendu comme à la fin du mois, c'est toujours le fun de se dire bonne année de même. Ouais, mais c'est pas grave, c'est la première chronique. Bref, t'es de retour pour une autre session universitaire parmi nous. Ben oui. Une autre chronique d'un gamer à un autre, où on parle de jeux vidéo. Oui. Rétro surtout. Surtout rétro, mais pas aujourd'hui. Oui, ah ben tiens, justement, t'es dans le 10% de pas rétro, genre. C'est ça. Ouais. Puis ça, c'est celle qui va te plaire. Ah, j'ai hâte. Mais oui, on va parler de la Nintendo Switch. Oh! Je l'ai vu venir en plus. Ah, pour vrai. J'ai attendu tellement la conférence, la petite émission spéciale. Oui. Là. J'avais hâte que ça joue, puis ça a fini par jouer. Ben oui. Fait qu'on a vu plein d'affaires. Le plus grand bonheur de ceux qui attendent cette console-là avec impatience. Absolument. On n'a pas eu à attendre trop longtemps comparé à d'autres années. Ouais. GameCube, Wii, Wii U, où ça avait été annoncé plusieurs mois, années à l'avance. Là, c'était vraiment, ça a été annoncé quand, au mois d'octobre-novembre. Ouais, c'est ça. Environ. Et là, ça sort en mars. 3 mars. Tu sais? 3 mars. 3 mars! Oui! C'est de bonheur, ça. C'est très tôt. Moi, quand j'ai entendu mars, je pensais que ça allait être genre le dernier jour, là, quasiment en avril, quasiment l'été. Moi aussi, je m'attendais à la fin mars. Ouais. Et finalement, non, c'est début mars. Ouais. Donc, pour les étudiants de l'université, juste à temps pour la relâche. Oui, juste à temps pour la relâche, pour dépenser peut-être votre retour d'impôt, je sais pas. Parce que c'est... Non, retour d'impôt, c'est du plus tard. Plus tard que ça, hein? Ben, quoi que tu peux t'endetter et rembourser ta dette, c'est ça, le retour d'impôt. Tu le prévois, mais après ça, t'es déçu parce que t'as pas autant que tu pensais. Quand même, le prix, si on en parle tout de suite, c'est proche de 400$. Là. Oui, oui. Donc, les gens se plaignent un peu pour le prix, mais je veux dire, vous chialiez que vous aviez pas une console à la hauteur de Xbox et PlayStation. Les gens qui chialent, incroyable. Là, vous en avez une. Tu sais, les gens sont jamais contents. Non, jamais. Ça se paye, la qualité, tu sais. Mais ça a l'air que oui. C'est ça. C'est ça souvent, c'est que oui, OK, tu vas peut-être payer 400$ ta console, mais si t'as une qualité d'image, t'as une qualité de console, puis une longévité de console intéressante, ouais. C'est rien 400$. Évidemment, c'est sûr que les gens disent, bon, déjà, dès le départ, que ce sera pas aussi fort que PlayStation 4 et Xbox 3, truc, c'est quoi, One? One. OK, cool. Est-ce que ça change quelque chose dans le fait que ça va être des jeux de Mario puis de trucs qu'on aime? Ça change rien, là. C'est la ça. Qualité de l'image est déjà super belle, 1080p pareil, là. C'est une console pour nostalgiques. Les gens semblent oublier ça. Oh, ouais. Nintendo, encore là, les mêmes maudites affaires. Mais non, mais... Nintendo se base sur sa fidèle clientèle, les nostalgiques. C'est ça. Chacun sa spécialité. De toute façon, ceux qui sont fanatiques de PlayStation 4 vont de toute façon s'acheter une PlayStation 4. C'est pas eux. Exact. Le public. Non, c'est ça. Et là même, on essaie d'aller chercher un petit peu parce que un petit plus de monde parce que là, en ayant une console à la hauteur des deux autres, ouais. Ben là, il y a beaucoup de third party qui vont vouloir sortir des jeux sur la Switch. Donc, on vous rappelle, c'est le format un peu tablette, ouais. Ok. Qu'on va pouvoir mettre les manettes de chaque côté de l'écran. De différentes couleurs, mix and match, si tu veux. C'est ça. Donc ça va un peu pour les gens qui aiment la Wii U. Mm-hmm. Vous allez pouvoir avoir encore ce feeling-là. Vous aimez pas ça? Vous pouvez retirer les manettes. Jouer avec une manette normale. Les mettre ensemble, jouer avec une manette normale. Mm-hmm. Les garder en deux, jouer multijoueur, une petite manette chaque. Manette pro, si tu veux aussi. Juste une vraie manette. C'est là. Ça. Il va y avoir ça aussi qui va être offert pour le monde. Donc... Ça offre beaucoup de possibilités. Mm-hmm. Tu peux jouer avec la tablette version portative ou tu peux brancher ça puis avoir sur ta télévision pour jouer console. Les gens se plaignent beaucoup de la manette. Moi, on m'écrit beaucoup dernièrement et les gens me parlent uniquement de la manette qu'ils trouvent dégueulasse. Ben pourtant, c'est une question de goût, c'est subjectif, mais je la trouve sexy. Ben c'est ça. C'est juste qu'effectivement, elle est petite, les boutons sont disposés drôlement. Ouais. Donc, mais je me dis, ouais, mais attendez, vous allez avoir la manette pro. Ouais, c'est ça. Donc, si vous aimez pas cette manette-là, prenez l'autre qui est la vraie format. Celle d'Xbox, genre. Fait que, c'est ça. C'est sûr que t'aimes ça. C'est la manette standard, le gold standard. Ben oui, puis la manette pro de Wii U est très confortable, parfaite. Pis c'est ça qu'on va avoir encore. Génial. Donc, si vous vous plaignez pour les manettes, inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas. Les gens vont trouver une autre raison de chialer de toute façon. Ben toujours, c'est un peu le classique avec Nintendo de chialer sur qu'est-ce qu'ils font. Puis c'est normal qu'on soit critique envers Nintendo depuis un moment, mais moi je pense que là c'est le temps de leur donner une chance. Absolument. Ok, ils essayent un nouveau concept, tant mieux, ils feront pas exactement comme les autres, mais là on semble revenir un peu à la base. Ouais. Et on même ça va être des format cassettes. Ben oui, on a vu les cassettes. Ben, j'ai pas regardé la conférence au complet, j'ai pas encore eu le temps, j'ai regardé les bandes annonces. Mais j'ai pas vu les cassettes quand même. Okay. Moi on me dit que ça allait être très similaire à ce qu'un peu on nous offre avec les 3DS. Ouais, c'est ça. Une petite cartouche, le style carte SD, bon, pas trop de. C'est ça. De là, place. Vous allez avoir des jeux avec très peu de temps de chargement. Mais oui, mais oui. Les Zelda avec la map, je sais pas si t'as vu le petit le graphique sur Internet, oui. Le JPEG qui montre la carte de genre Wind Waker versus. Ocarina of Time, ouais. Wind Waker, Twilight Princess, Skyrim. Juste pour la référence de Skyrim. C'est ça. Ce qui est plus petit que ce que Zelda va offrir. Hey, ça va être grand. Mais les gens disent, ouais, mais ça, ça veut dire beaucoup d'espace vide. Oh, ta gueule! C'est genre là que. C'est comme. Arrête de chialer! Mais c'est vrai, par contre, que avec la capacité des consoles actuelles, une carte aussi grande que ça, oui, il va sûrement avoir des espaces vides. Tu veux que, dans le fond, les gens veulent que la carte soit littéralement pleine à craquer? En remplissant de n'importe quoi, genre, mais c'est ça. Plein. Oui, Legend of Zelda Breath of the Wild, mm-hmm. Si vous voulez aller voir le premier trailer qu'ils ont fait, sublime. C'est sublime. Les gens disent que ça ressemble pas à un jeu de Zelda, donc ils ont voulu intégrer beaucoup d'éléments Skyrim dedans, donc il y en a qui sont un peu déçus. Mais je dis, ouais, mais donnez-leur une chance d'essayer de quoi. Quand ils ont fait Wind Waker, là, c'était trop cartoon. Ouais, c'est trop cartoon, trop réaliste, trop ça. Là, la carte va être grande, on dirait qu'on perd un peu l'aspect de donjon, on va falloir se nourrir, puis. Oui, mais. Si tu veux ajouter de la longévité à ton jeu, c'est comme ça. S'il avait fait petit, les gens auraient dit ben je l'ai trop petit. Ouais, c'est ça. Je paierais pas 80$ pour ça. C'est ça. Mais là, je paierais pas 80$ pour du vide. Ah. Donc, il y a tout le temps de quoi. Donc, moi, je pense que ça va être un jeu sublime. Je comprends les gens qui ont out, mais je comprends aussi les gens qui ont très à cœur les bons vieux jeux de Zelda. Ils sont encore là, t'inquiète. Tu peux encore jouer à ces vieux jeux-là. Oui, je sais, c'est ça. Mais je veux dire, je peux comprendre qu'eux veuillent critiquer certains aspects du jeu. Mais j'avoue que c'est le fun des jeux, des nouveaux jeux à la rétro. Puis ça, ils en font sur la 3DS de toute façon, oui. Avec Zelda. Fait oui. Ceux qui veulent des jeux rétro, ce serait juste le fun si la Switch pouvait accepter les cartes de Nintendo 3DS. Ce serait le moment, là. Ce serait le parfait timing pour avoir la fente pour mettre les cartes de 3DS pour pouvoir jouer sur cette console-là, je trouve. Effectivement. Pour jouer à ton Zelda. Je pense aussi. Donc, on a parlé de Breath of the Wild. Il y a aussi le 1-2 Switch. Donc ça va être un jeu, c'est des mini-jeux. OK. Donc un peu, on est habitué avec ça avec Nintendo. Ouais, les WarioWare, Nintendo Land est un titre de lancement pour la Wii U. Moi, j'ai l'impression que ça va être un Nintendo Land pour la Switch. C'est le fun. J'aurais aimé une suite à Nintendo Land parce que tout le monde avait l'air d'aimer Nintendo Land. Ouais, effectivement. Mais bon. Effectivement. Et tu vois, moi, mon chiant. Ben, pourquoi pas un deuxième Nintendo Land? T'es pas mieux. Ben, ça va être un peu un deuxième Nintendo Land, mieux, mais ils ont donné un titre pour la Switch. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Ben, il va y avoir un Mario Kart 8 Deluxe. Ouais, ça, je suis sceptique un peu. Pourquoi un Mario Kart 8 Deluxe? Ben, il va y avoir, tous les ajouts, le contenu téléchargeable de Mario Kart 8. Il y a quelques personnages de plus, mais pas ceux qu'on aimerait, là, qu'il y ait, là. C'est comme des personnages plates, genre. C'est tant qu'à faire, pourquoi pas un nouveau Mario Kart? Ouais, je comprends que ça prend plus de temps pour faire des nouvelles pistes, là, qui sont quand même intéressant. Ça, à moins que ce soit juste un en attendant. Moi, je pense que oui. Je pense vraiment que c'est. Les gens voulaient continuer de jouer à Mario Kart 8 et probablement que les ventes n'ont peut-être pas été aussi bonnes qu'ils auraient espéré. Donc, à cause gens, de la Wii U. C'est ça. Donc, à la place de forcer les gens à acheter une Wii U pour jouer à Mario Kart, tu sors sur la Switch. Ça doit pas être une grosse job de processing parce qu'en tant que tel, je veux dire, côté graphique, ça va pas être des pas en avant. Ça va être quelques pas en avant de la Wii U. Bien sûr que si tu compares la version Breath of the Wild qui va sortir sur Wii U et celle qui va sortir sur Switch, il y a beaucoup de différences. Ok. Ah ouais, quand c'est quand même marquant. Là. Tu le vois très bien qu'il y a une différence. Donc, c'est sûr que quand tu regardes ça, je me dis oui, il va sûrement avoir des différences. Mm-hmm. Il est vraiment fan de Mario Kart, il va vouloir l'aspect graphique de la pareil. Switch. Ça va être malade. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Mais moi, j'espère juste que c'est un en attendant. Que, ouais. Pour quelqu'un, c'est qu'ils veulent vraiment plus faire ça pour quelqu'un qui a sauté la Wii U parce que c'était pas à son goût. Ouais, tout à fait. Moi, je pense que c'est pour ça et j'espère qu'il y a un nouveau Mario Kart qui va suivre rapidement. Rapidement, ouais. Sinon, comme autre titre de jeu, on a Skyrim, mm-hmm. FIFA. Minecraft, mm-hmm. Farming Simulator. Ah, ok, ouais. On a NBA 2K18. Tous les classiques là, du sport, ouais. Ils sont là. Ultra Street Fighter 2. Ok, quand même. Just Dance 2017. Just Dance. Il va y avoir un service en ligne. Ouais, ok. Ok, donc pour pouvoir jouer en ligne. Là, ça va être un service payant. Donc on décide de faire comme Xbox et PlayStation. Payant, tu veux dire un prix par mois? Faut que tu payes un abonnement pour jouer en ligne. Oh, je savais pas ça. Ok, ouais, c'est ça. Donc là, ça va être nouveau. Ok. Donc, c'est juste pour offrir un meilleur service ben oui, au monde. On va avoir des jeux plus complets, des jeux plus massifs. meilleurs serveurs. De plus en plus, on veut se diriger aussi pour que quelqu'un sur Xbox, quelqu'un sur PlayStation qui ont le même jeu, c'est le fun, hein? Pourrait jouer ensemble. Ouais. Donc, fait que j'ai l'impression que ça prend des meilleurs serveurs si de plus en plus t'es pour t'en aller vers cette compatibilité-là. OK. Donc, après, on va faire ses services en ligne gratuitement sur ses présentes consoles. Nintendo fera payer l'accès à compter de l'automne 2017 sur la Switch. Donc, il va y avoir un bout, ça va être gratuit à partir de mars, c'est ça. J'imagine. C'est ça. Donc, mais on parle pas de prix pour l'instant. D'accord. On y reviendra un jour. C'est ça. Mais sachez que ça ne restera pas gratuit. Mais là, ce qu'on attend, c'est automne 2017. Donc, ceux qui achètent leur console tôt, vous allez bénéficier d'un temps gratuit sur ce service-là. On aime ça, récompenser les premiers acheteurs. C'est le fun. Ben, ça, je trouve ça bien. Ah oui. Je trouve ça très bien. Donc, c'est ça qu'on a pas mal sur la Switch. Je n'ai même pas parlé de Mario Odyssey, là. Il me restait lui. Ouais, c'est ça. Hey, j'avais pas été au bout de la liste. Que j'attendais que t'en parles, Mario Odyssey. Il y a une chance que t'es là. Ça fait longtemps que les gens parlent du fait qu'ils aimeraient avoir un Mario dans le monde réel, entre guillemets. Donc là, ça se passe vraiment sur une planète qui ressemble à la Terre. Dans le logo, on voit des. Ça ressemble étrangement à la Terre. Il arrive à New Dunk City, qui est comme supposé être le New York City. Tu vois qu'il interagit avec des humains. C'est ça. On se rappelle la dernière fois que Mario était dans un monde réel, c'était dans le film des années 90. C'était une catastrophe. Appelle-moi pas ça. Qui va sortir sur Blu-ray. T'as vu? Je te jure. Non. J'ai vu ça il y a quelques semaines. Faut que je réécoute ça. Ouais, absolument. Tellement mauvais. Donc, c'est ça. On veut revenir un peu à la base de Mario 64, Mario Sunshine, c'est au niveau ça. Des mouvements, oui. De la jouabilité. Donc, ça, je suis vraiment content d'entendre ça. Un monde ouvert et non pas des planètes sur lesquelles tu es comme dans Galaxy, par exemple. C'est ça. Donc, j'aime le concept. Mm-hmm, moi aussi. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va faire l'interaction dans le monde réel avec Mario. On a, c'est quoi, 3 minutes à la date de démo, puis les gens font déjà toute leur théorie, tu sais. C'est ça. Mais c'est bon qu'on fasse ça. C'est très bon que les gens fassent ça, qu'on puisse aller voir des vidéos YouTube là-dessus sur les gens qui spéculent. Image par image. Oui, c'est ça. Les rumeurs, est-ce que s'il y a des messages par en dessous, là, on va essayer telle affaire. Ça, je trouve ça bien. Il n'y a pas de référence aux autres personnages de Donkey Kong 64, hein? Tiny Kong. Ils sont tous là, sur des enseignes ou des noms de rues. Fait qu'est-ce qu'il va y avoir des featuring de personnages de Donkey Kong 64? Est-ce qu'on va avoir des. C'est ça? Est-ce qu'on va avoir un petit peu des easter eggs de d'autres franchises de Nintendo? On dirait, peut-être. Parce que là, ça se passe à New Dunk City, non pas dans le Mushroom Kingdom. C'est ça. Je trouve ça intéressant. Ouais. Ça, c'est un des jeux que j'ai le plus out sur la Switch. Incroyable. Personnellement, moi, c'est ça avant Breath of the Wild. Par contre, ça sort pas à la sortie de la console. Ça sort seulement c'est à l'automne. C'est rare un Mario qui sort pas à la sortie de la console. On décide d'y aller avec Zelda pour un launch title. Puis un autre titre que j'avais oublié, c'était Splatoon 2. Oui! Donc, c'est cool, j'ai pas encore joué au premier. Ça m'intrigue beaucoup. C'est un très, très bon jeu. De j'ai regardé du monde jouer, j'ai pas joué, mais le concept est très intéressant et le jeu est très bien fait. Par exemple, Splatoon, ça va être quelques-uns des nouveaux personnages qu'il va y avoir dans Mario Kart 8 Deluxe. Oh, ok, intéressant ça. Quand même, ouais. Très intéressant. Fait que je trouve ça bien qu'est-ce qu'ils font là-dessus. Donc c'est ça. Donc, c'est pas mal ça pour la Switch. C'est sûr que vous faites votre idée là-dessus. Pour des petites nouvelles rapides avant de finir, je veux juste lever mon chapeau aux organisateurs de Awesome Games Done Quick. Oui. Eux qui ont fait leur semaine de jeux vidéo speedrun pour ramasser des fonds pour la Prevent Cancer Foundation, donc pour les fonds de recherche pour le cancer, et ils ont passé le 2 millions de dollars en dons. Incroyable. J'ai regardé un petit peu Mario Sunshine en 90 minutes. Là. Oui. C'est incroyable. Oui, la course à 4. Oui, oui. Ça n'a pas de sens. Ah non, c'était magnifique comme événement. Encore une fois, j'ai passé la semaine à essayer de regarder le plus possible. Donc c'est ça, les gens font leur part, les dons rentrent et c'est pour une bonne cause au final. Donc on a été distrait pendant une semaine pour une très bonne cause. Donc vraiment chapeau à eux. C'est très très bon. Sur un autre ordre d'idée, au mois de février, c'est le LAN ATS qui s'en vient à la Place Bonaventure à Montréal. Donc ils vont avoir encore des tournois de plein de jeux compétitifs populaires. Ils vont avoir des tournois de Smash Bros aussi. Et il va y avoir, moi, la partie pour laquelle j'y vais, c'est qu'il va y avoir un événement de speedrun organisé par No Reset. J'ai appris dernièrement que j'allais avoir deux jeux à présenter. Wow! Donc, je vais présenter World of Illusion et Chicky Chicky Boys au Sega Genesis. Deux de tes préférés, je pense. Oui, c'est deux de mes préférés. Et World of Illusion, je voulais que ce soit un peu cocasse. Je vais jouer le mode co-op tout seul avec les deux manettes. T'es pas ça. Ça va être très drôle. Wow! Donc, ça, il allait être accepté la run parce que ça va être un événement cocasse de la fin de semaine. Donc, c'est 48 heures et on va être jumelé avec la fondation Mr. D. Donc, lui, c'est un enseignant au niveau primaire de Repentigny, je crois. Et lui, il y a une fondation où il ramasse de l'argent pour aider les jeunes qui viennent de milieux défavorisés. Okay. Donc, s'assurer qu'ils déjeunent avant de rentrer en classe. Et avant les fêtes aussi, par exemple, il a préparé des paniers de Noël pour ces enfants-là qui n'auraient pas nécessairement accès à des cadeaux de Noël à cause du revenu familial. Donc ça, c'est une très belle fondation. Donc, on va être jumelés à eux et tous les dons qu'on va ramasser pendant ces 48 heures-là vont aller pour eux. Et je tiens aussi à saluer nos collègues de C'est Fou. Donc, Marc-Olivier, Frédéric et Rock, que vous faites entendre après en action, ou Matière Noire aussi, que eux aussi ont obtenu des jeux qu'ils vont présenter pendant cet événement-là. C'est donc, une vraie gang qui suit partout. Ben oui. C'est Fou Represent. Yeah. Donc, c'est très bien. Donc, c'est pour ça que je me fais d'en parler. Donc, en même temps, c'est un bel événement. C'est tout ça bénévolement. C'est du 10 au 12 février. Okay. Donc, on commence le vendredi à l'heure du souper et on termine le dimanche à l'heure du souper. Wow. Donc, 48 heures. C'est gros, ça. C'est très gros. Donc, ça va être très bien. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour ma chronique aujourd'hui. Pas de chronique encore. Oui, c'est ça. Et on va pouvoir se reparler de la Switch quand elle va sortir. Et j'ai hâte d'avoir essayé. Avoir des détails un petit peu plus précis sur l'as-tu tout. Précommandé? Non. OK, parce qu'il y en avait juste 3 millions en Amérique du Nord pour précommande. Et j'ai l'impression que ça va être ça d'ici la sortie. Oh non. Donc, ils font un peu le même coup que la mini NES. Ouais. Et j'aime pas cette façon-là de faire. C'est comme Apple. C'est rendu vraiment la mode de faire petit stock. Ouais, petit stock, faire payer le monde. Parce qu'il faut la payer au complet là, quand tu précommandes ça. Shit. Tu payes déjà le 400 pour faire ça dessus. US plus les taxes. Non, attends, c'est 300 US plus taxes. C'est 400 canadiens plus taxes. Ok, excuse, oui, t'as raison. Environ. Donc, c'est ça, mais là, c'est que tous ceux qu'elle voulait là, ben, il n'a déjà plus. Ça passe à quelques minutes. On va attendre un peu de bord. De toute façon, il n'y a pas encore de Mario, fait que j'ai pas besoin de ça. C'est ça. T'es comme moi, ça presse pas. Non, mais tu sais, je l'achète tout le temps en premier pareil parce que je veux être le premier à jouer. Ouais, c'est ça, exactement. Dans les premiers. Bref, on se retrouve dans deux semaines au Mathieu Plancho. Oui. Pour notre collègue d'un gamer à un autre, on t'écoute à Génie en liberté les jeudis à 9h30. Oui. Matière Noire, c'est les mardis à 21h. Exact. C'est rare que je l'ai comme fou, faut que je le précise. C'est bon. Merci. Puis c'est tout. Facebook, Génie en liberté. Oui. Merci, Sam. Fait plaisir. Bye. C'était Soul Cross avec Brought to Life. Une autre pièce de chiptune au Mathieu Plante Show. Les liens vers les pièces en passant qui sont téléchargeables sur Internet sont sur assemblagerequis.com. Maintenant, c'est le Black Célix. Voici le spécial transport habituel. Célix, c'est le segment geek et la première portion de l'émission est toujours le bloc transport. Donc commençons par des voitures autonomes qui apprennent à conduire grâce aux jeux vidéo. OpenAI, l'association fondée par Elon Musk, lance un projet qui met à disposition un programme open source basé sur le jeu vidéo Grand Theft Auto 5. Le but, c'est d'aider les chercheurs à entraîner les intelligences artificielles des voitures autonomes dans des conditions extrêmes sans prendre de risques. Si les intelligences artificielles sont capables de défier les humains aux jeux vidéo, elles peuvent aussi s'en servir pour s'entraîner à mieux se comporter dans le monde réel. Par exemple, l'intelligence artificielle d'une voiture autonome peut s'exercer à la conduite pour renforcer son apprentissage. C'est ce qui a été initié oui, dans le projet Deep Drive qui se sert du célèbre jeu Grand Theft Auto 5 pour tester des intelligences artificielles destinées aux voitures autonomes. D'abord réservée aux chercheurs, cette plateforme est désormais accessible en open source grâce à l'initiative de OpenAI, qui est une association à but non lucratif fondée en 2015 aux États-Unis par plusieurs patrons de grandes entreprises, dont Elon Musk, qu'on connaît pour SpaceX et surtout Tesla. Ainsi que Reid Hoffman, qui est chez LinkedIn. Sa vocation est donc de soutenir un développement responsable de la recherche en intelligence artificielle qui place l'humain et sa sécurité au cœur de ses préoccupations. Pour ce faire, OpenAI met à disposition des spécialistes et des développeurs un certain nombre d'outils, souvent gratuits et libres en source. C'est le cas, par exemple, de Universe, une plateforme lancée en décembre dernier qui aide à évaluer et à entraîner une intelligence artificielle en s'appuyant sur des jeux vidéo, des sites web et d'autres applications. Grâce à Universe, une intelligence artificielle peut se servir d'un ordinateur comme le fait un humain en utilisant un clavier et une souris virtuelle et en analysant les images. GTA V vient donc d'être intégré à Universe. Sous réserve de posséder une copie du jeu, toute personne souhaitant faire travailler l'IA, donc l'intelligence artificielle d'une voiture autonome, peut accéder à l'outil. Avec Grand Theft Auto 5, les chercheurs disposent d'un environnement virtuel en 3D dont la surface correspond à presque un cinquième de la ville de Los Angeles. Il alterne des zones urbaines, des portions d'autoroutes, de voies rapides, des routes de montagne, d'autres dans le désert. Le jeu propose 257 modèles de véhicules, 7 types de vélos et 14 configurations météo, ce qui permet de varier les scénarios. Le système permet en outre de répertorier et reconnaître les 7000 objets que comporte le jeu, soit les autres véhicules, les cyclistes, les piétons, les animaux, surface de la route, signalisation, etc. Il est à noter que l'intégration de GTA dans Universe neutralise les aspects violents du jeu pour se concentrer exclusivement sur la conduite. Avec une telle plateforme, les concepteurs de voitures autonomes peuvent éprouver leurs intelligences artificielles en créant des conditions extrêmes qui seraient dangereux, voire impossibles de reproduire dans la réalité. Autre avantage, le système offre la possibilité d'analyser plus en détail la prise de décision de l'intelligence artificielle lors d'un événement particulier ou d'un accident et de revoir une scène sous différents points de vue, le tout sans froisser de tôle. Un article de Futura Science. Ensuite, un article de Uber Gizmo bloqué dans le désert avec ce Tesla par manque de réseau téléphonique. On reste chez les véhicules autonomes, vous aurez compris. Les voitures d'aujourd'hui embarquent davantage électronique que de mécanique. Donc, c'est pas nécessairement une voiture intelligente. On va voir. Elles ont même, pour certaines, besoin d'une connexion à un réseau Internet pour fonctionner ou pour ouvrir les portes. C'est le cas notamment des Tesla avec la fonctionnalité Keyless Driving. Mais si vous n'avez pas de réseau, vous pouvez rester coincé dans le désert. C'est ce qui est arrivé à Ryan Negri, habitant dans la région de Las Vegas, dans le Nevada. Avec le Keyless Driving, c'est votre smartphone qui déverrouille votre voiture et le fait démarrer grâce à une application connectée à Internet. Souhaitant tester la dite fonctionnalité, l'homme amène sa femme et ses chiens faire une petite balade près du désert du Nevada. C'est juste après avoir arrêté la voiture qu'il comprend ce qu'il vient de faire. Ryan Negri s'est arrêté dans une zone blanche sans aucun réseau. Son smartphone n'a donc pas pu remplacer sa clé de voiture. Ryan Negri peut dire merci à sa femme qui a couru 3 km pour capter un signal et appeler pour demander de l'aide. Alors certes, le propriétaire aurait dû amener la clé avec lui, mais Ryan Negri ne peut s'empêcher de critiquer la décision de Tesla Motors d'obliger ses utilisateurs à être connectés, et ce sans aucun plan de secours. Pour Tesla, il s'agit là d'une mesure de sécurité, laquelle serait bien délicate à retirer quand on connaît les attitudes des hackers, évidemment. Maintenant, en voiture volante! Airbus compte tester un prototype en fin d'année. Il vient d'annoncer qu'il compte tester un premier prototype de voiture volante autonome en fin d'année. Le constructeur aéronautique européen n'est pas le seul à plancher sur cette solution, d'ailleurs. Après Larry Page, le patron de Google, et son projet de voiture volante qu'il finance en secret, voici que le groupe Airbus réfléchit lui aussi très sérieusement à ce type de transport pour des déplacements urbains sur de courtes distances. Je cite, « Il y a une centaine d'années, les transports urbains sont passés sous terre. À présent, nous avons les moyens technologiques pour nous les élever dans les airs », a déclaré Tom Andrews, le PDG de Airbus, à l'occasion de la conférence Digital Life Design, DLD, à Munich, en Allemagne. Il a ajouté qu'il espérait qu'un premier prototype capable d'emporter une personne soit opérationnel en fin d'année. L'année dernière, Airbus a ouvert une division baptisée Urban Mobility. La vocation de cette dernière est d'explorer les pistes possibles pour des moyens de transport aérien individuels ou de petits véhicules à décollage vertical susceptibles d'emporter plusieurs passagers. L'objectif final serait de créer un service de taxi que les usagers pourraient réserver via une application mobile, exactement comme ils le font aujourd'hui avec Uber. Uber qui travaille lui aussi sur un projet de drone taxi à décollage et atterrissage verticaux qui pourrait partir depuis les toits des bâtiments et effectuer des trajets interurbains. Le service de véhicules de transport avec chauffeur estime que ce type d'appareil pourrait entrer en service d'ici une décennie. Airbus et Uber ne sont pas les seuls à envisager cette solution. Futura Science a déjà parlé du drone taxi Ehang 184 qui fut présenté lors du CES en 2016. En 2017, la firme chinoise est revenue à Las Vegas en annonçant que son appareil avait accompli 200 vols d'essai sans incident. Ehang estime qu'il lui faudra encore 2 à 3 ans pour finaliser le développement. Ensuite, on va dans l'espace après l'air, hein? Lunar Quattro, la voiture que Audi va envoyer sur la Lune. Le constructeur allemand termine la mise au point d'une voiture qui roulera non pas sur Terre, mais sur la Lune, la Audi Lunar Quattro. Ce rover est réalisé dans le cadre du concours Google Lunar X Prize et pourrait être lancé d'ici la fin de l'année. Il y a 10 ans, en 2007, la société Google et la fondation X Prize ont mis sur pied le Google Lunar X Prize. Il s'agit d'une course d'engins spatiaux vers la Lune ayant plusieurs objectifs distincts susceptibles de permettre aux trois premiers de se partager. $30 million. Cette course n'engage pas des hommes, mais des rovers. 6 équipes sont encore en lice, dont l'allemand de Part-Time Scientists, donc les scientifiques à temps partiel, avec Audi comme principal partenaire. Le véhicule robotisé de l'équipe a été baptisé Audi Lunar Quattro et il est en développement depuis 2008. L'arrivée de Audi comme partenaire a évidemment renforcé le projet et augmenté significativement ses chances de succès. Audi soutient le groupe de 35 ingénieurs en partageant son savoir-faire dans de nombreux domaines techniques, surtout le domaine de compétences construction allégée et électromobilité, ainsi que pour la transmission intégrale permanente et la conduite autonome. Autre exemple, le véhicule a été testé dans la chambre de simulation solaire Audi pour voir comment l'Audi Lunar Quattro réagit à des conditions similaires à celles régnant sur la Lune, où la température varie de 105 degrés Celsius à moins 160 degrés. L'objectif est d'assurer la résistance des composants du rover, notamment sa batterie, à cet écart de température. Cette Audi Lunar Quattro, je le prononce différemment à chaque fois, ne ressemble évidemment en rien au Audi qui roule sur Terre, si ce n'est qu'elle embarque un certain nombre de savoir-faire de la marque aux quatre anneaux entrecroisés. Le véhicule est doté d'une batterie e-tron, il est capable d'avancer de manière autonome et a été conçu avec un savant mélange de matériaux pour alléger la structure, une priorité comme pour toutes les missions spatiales. Ainsi, l'utilisation de métaux légers tels que le titane et l'aluminium pour la structure a notamment permis de réduire son poids à 30 kg contre 38 pour les premiers prototypes. Ce rover est doté de 4 roues motrices de forme très spécifique pour s'adapter aux contraintes de la poussière et du terrain lunaire sur lequel il évoluera. Ces roues sont imprimées en 3D de fabrication additive, ce qui participe aussi à l'allègement du véhicule. Chacune de ces roues utilisera un moteur électrique pour une meilleure traction, ce qui permettra au rover d'atteindre une vitesse maximale de 3,6 km par heure. L'énergie nécessaire au véhicule, elle, sera produite par un panneau solaire orientable qui transmettra le rayonnement solaire à une batterie lithium-ion qui alimentera alors les 4 moteurs électriques situés sur les moyeux des roues. Le lancement à destination de la Lune pourrait avoir lieu à la fin de l'année au moyen d'un lanceur indien ou de l'américain SpaceX. Il rejoindra la Lune à bord de l'atterrisseur Alina, capable de transporter quelques 100 kg de charge utile. Dit autrement, il reste de la place à bord d'Alina. Celle-ci pourrait soit être occupée par un second rover, soit commercialisée auprès d'autres partenaires commerciaux ou institutionnels qui pourraient embarquer leur propre charge utile. Alina se posera dans la zone équatoriale à proximité du rover de la mission Apollo 17. Un projet de drone livreur jetable et biodégradable maintenant. Le laboratoire de recherche californien Other Lab a repris un projet de la DARPA, qui est l'agence de recherche et de développement de l'armée américaine, qui consiste à concevoir un drone de livraison jetable en carton. Ce type d'appareil pourrait servir à apporter du sang, des médicaments ou des vaccins sur des zones de conflit ou sinistrées. En 2015, on parlait d'un projet de la DARPA, qui est une branche de recherche et développement de l'armée américaine, comme on disait, baptisé iCare. Il s'agissait d'un concept de drone à usage unique susceptible d'être lancé depuis un avion ou un ballon stationnaire pour aller livrer des cargaisons comme des vivres, médicaments, vaccins, du sang, afin d'approvisionner des civils ou des militaires dans des zones isolées ou difficiles d'accès avant de s'autodétruire. À l'époque, la DARPA voulait que ces appareils puissent être lâchés à plus de 10 000 mètres d'altitude, planer sur une distance d'au moins 150 km, puis se poser avec une précision de 10 mètres. Un cahier des charges très ambitieux qui se concrétise aujourd'hui dans une version plus modeste. L'agence américaine a décidé de financer le projet de drone livreur jetable sur lequel planche le laboratoire de recherche Other Lab en Californie. Leur drone intégralement fait de carton serait donc non seulement jetable, mais aussi biodégradable. Il peut planer sur une distance de 88 km et se poser avec précision sur la zone désignée. La version actuelle peut transporter 1 kg de charge utile, mais ses concepteurs assurent qu'il serait possible de monter jusqu'à 10 kg. Ils envisagent des scénarios où les drones seraient largués par centaines depuis des avions cargo type C-17 pour aller délivrer des médicaments, du sang, des produits de première nécessité à des populations sinistrées ou des soldats en opération. Other Lab dit avoir déjà réalisé des essais concluants de largage à plus de 300 mètres d'altitude avec atterrissage sur un point précis. En revanche, il n'y a pour le moment pas de détails sur le délai qu'il faudrait à ces drones pour s'autodétruire en se désagrégeant, ni dans combien de temps ils pourraient être opérationnels. Et toujours en drone, pour terminer, un homme qui a été arrêté pour avoir fait voler son drone trop près d'un avion de ligne. Et il y a une raison pour expliquer que certains fabricants de drones, comme DJI, auraient intégré des mesures de géofencing, donc des barrières virtuelles. C'est parce que parfois, certains pilotes de drones font preuve d'un certain manque de responsabilité et font voler leur appareil dans des zones où ils n'ont rien à faire. Cela peut parfois être très dangereux. En Chine, un homme a récemment été arrêté après avoir fait voler son drone trop proche d'un avion. Trop proche, c'est un euphémisme ici parce que l'engin se trouvait en vérité sur la trajectoire de l'avion alors qu'il était en plein atterrissage. Heureusement, il ne s'est rien passé de trop grave. La compagnie aérienne Capital Airlines a évidemment critiqué les actes du pilote et après que la vidéo est devenue virale et que son authenticité ait été avérée, la police de Zhejiang a pu identifier et arrêter le pilote et est accusé d'atteinte à la sécurité publique. Le fabricant chinois DJI a lui aussi tenu à s'exprimer sur le sujet. Je cite: en tant que leader mondial d'outils de photographie aérien, évidemment, il fallait qu'il se blogue un peu, nous condamnons fermement l'utilisation de cette technologie dans des zones pouvant nuire à la sécurité et aux opérations normales du trafic aérien de passagers. Évidemment, ça ne dit pas si le gars savait que c'était un endroit qu'il fallait pas... On sait pas, là, je veux dire, où est-ce qu'il passe les avions, à plein d'endroits. Bref, voilà pour le bloc CLX Transport. Tout à l'heure, ce sera Television, mais avant ça, voici une pièce chiptune de Drags Connor. Game over, MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est fou! 89.fm. We'll be right back. Where'd you find this? Hydrogen Psychosis Crazy Eye par Frank Engotti is Dead. Précédé. Ouais, ben c'est ça. The Character Select Original Composition sur Sega Genesis par Circuit Burr featuring J-Red. On a débuté bloc avec Game Over par Drags Connor. Un beau petit bloc de trois pièces. Toujours Mathieu Plancho, maintenant c'est Television. Television, la chronique dans laquelle on parle de nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours. Donc, on commence avec quelque chose de spécial. On commence avec le Québec, comme toujours, mais via la France. La série Le Chalet, qui a été doublée en France. C'est incroyable, hein? C'est selon showbiz.net. Donc, c'est évidemment difficile pour les Québécois de comprendre pourquoi un produit québécois serait exporté en France et ensuite doublé. Parce qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas les accents et les expressions. Il y a le sous-titre et la technique du sous-titre qui marche pas mal plus en France qu'au Québec. Ils l'ont fait avec Catherine, la sitcom. Ils l'ont envoyé en France avec des sous-titres. Pas un énorme succès. Donc la série de Vrac, Le Chalet, a eu droit à une métamorphose pour le public français. L'article mentionne Friends comme de quoi que c'était mal traduit à l'époque. Toutes les sitcoms sont traduites en France, presque. Et Friends était une des bien traduites. Donc, tu sais, hein? Bref, bande-annonce qu'on va entendre ensemble. Vous allez pouvoir faire votre propre analyse de tout ça. Il y a une fille qui va dire « T'as l'air d'aimer ça, toi, tomber les mecs ». C'est Julianne Côté dans la série originale. Donc, pour vous mettre les faces sur les gens, Catherine Brunet est là-dedans et Julianne Côté. Donc, écoutons cette bande-annonce pour la série québécoise de VRAC TV, Le Chalet, tout de suite. Une saison ski. Ça, c'est moi qui parle. Tous les dimanches. Vous connaissez le piquant? Le collège. Un petit coin de paradis. Vous êtes tous moniteurs de ski? Non, sauf lui. Je l'ai invité à passer l'hiver au chalet avec nous. T'as l'air d'aimer ça, toi. Tomber les mecs. Bah, elle pensait... ouais, c'est... qu'on était un couple. Comment elle a pu penser? C'est fou. Des pics de folie. T'es en train de me dire que Charles drague une autre fille? Des pointes de jalousie. Quoi, donc il peut rien se passer ici sans que tout le monde soit au courant? Le Chalet, votre série inédite qui a conquis le Québec. Tous les dimanches à 17h15 sur France 4. Les Français, là, ben, je veux dire, comme je dis d'habitude, les maudits Français, là, avec leur affaire de te dire ta nouvelle série, votre nouvelle série, ça me tape, mais tellement sur les nerfs. Pourquoi est-ce que tout est obligé d'être ma série à moi? C'est pas juste une série télé. Tout le temps, ta série, votre série. Mais bon, le doublage a l'air cool. Sauf que l'affaire qui est différente, c'est que, bon, des fois, à VRAC TV et à d'autres chaînes, on va avoir des émissions qui viennent de, je sais pas, d'Espagne. Et on va la doubler. Et ça va juste avoir l'air d'une série doublée, comme n'importe quelle. On dirait une série américaine. Tout est pareil comme les autres séries. Mais là, c'est qu'ici, c'est la même langue. Donc, les lèvres bougent, mais pas avec les mêmes expressions tout le temps. Donc, t'as l'impression de. Les gens, on dirait que les gens sont sous quand ils parlent. Je trouve ça vraiment bizarre. En tout cas, c'est surréaliste. Allez voir la bande-annonce sur la page du Mathieu Plante Show sur assemblagerequis.com. C'est la troisième saison au Québec et évidemment la diffusion de la première saison parce que c'est une série qui se suit en France. Voilà. C'est spécial. C'est spécial. Ensuite, la série américaine Issues sur les quiz de la mode sera tournée à Montréal. Une série de NBC Universal. Les studios Melz annoncent que la première saison de la nouvelle série américaine Issues sera tournée chez eux. Le tournage débutera en février et se poursuivra jusqu'au mois d'août. Issues, c'est la rédactrice du magazine iconique Vogue à New York. La série comptera 9 épisodes et ça va mettre en vedette les acteurs Dalal Bader, Nicole Boucheri, Emily Chang et Ho Chow. Voilà, donc ça s'en vient, ça va être tourné à Montréal dans les studios Melz. Issues, ça veut dire, c'est comme un jeu de mots. Issues, ça peut vouloir dire comme t'as des problèmes, you've got issues. Et issues comme un numéro de magazine, tu sais. Special issue. C'est quelque chose, c'est beau. Ensuite, toujours aux États-Unis, Love Connection, le jeu télévisé qui va être ramené, tout est toujours ramené de nos jours, donc ça va être sur Fox avec Andy Cohen comme animateur. Fox a commandé 15 épisodes de Love Connection, ça va être en version d'une heure, c'était des demi-heures avant. C'est un jeu qui ressemble un petit peu à un genre de dating show, dating game, coup de foudre, mais avec une seule personne à la fois, assise dans un divan avec l'animateur, et elle va se faire matcher par, tu sais, un petit peu comme les... Tu sais, t'as enregistré des cassettes vidéo de toi, là, avant, pour faire du dating. Tu t'es enregistré devant une caméra, c'était envoyé dans une agence de rencontre, et l'autre personne pouvait choisir parmi ces cassettes-là. Donc, ça fait longtemps, quand même. La personne regarde trois cassettes, avec seulement les meilleurs moments de la personne, et après ça, choisit d'aller en date avec cette personne-là. C'est donc Andy Cohen qui va animer ça. C'est l'animateur de Watch What Happens Live, un genre de petit talk show sur la pop culture américaine. Ça va être produit par Warner Horizon Television et Telepictures Production. Ça devrait commencer cet été, donc de la télé alternative d'été qui coûte pas trop cher. Ça va être par le producteur exécutif Mike Fleiss, qu'on connaît pour The Bachelor. Et parmi les autres émissions de dating qu'il y a à la télé en ce moment, il y a... En fait, non, c'est pas ça, c'est plus ce que je voulais dire du tout. Chaque émission va mettre en vedette des femmes ou des hommes qui cherchent la romance. Trois blind dates, et puis on va parler de ça devant un public en studio. La série d'origine, Love Connection, c'était avec Chuck Woolery. Et puis c'était des célibataires qui essaient de se connecter avec un partenaire compatible. Ça a débuté en syndication le 19 septembre 1983, terminé en 1994 après 2120 émissions. Ça a été diffusé en reprise jusqu'en 95. Ça a été relancé pour une autre saison en 98 avec Pat Bullard comme animateur. Ça joue en reprise ça aussi. Bref, c'est ça qui s'en vient cet été à la télé. Ensuite, toujours aux États-Unis, James Cameron va signer une série sur la science-fiction. Absolument, absolument. James Cameron, oui! C'est The Hollywood Reporter qui a lancé la nouvelle. Le réalisateur de Titanic et Avatar, devrait réaliser une courte série sur l'évolution de la science-fiction au fil des années. Pour l'instant, ça s'appelle James Cameron's Story of Science Fiction. La série devrait être diffusée sur la chaîne AMC dès 2018 et comporter 6 épisodes. Chacun devrait se pencher sur un aspect particulier de ce genre artistique, du mouvement de niche au phénomène mondial. Cameron s'est exprimé sur le sujet auprès des journalistes du Hollywood Reporter en disant que quand il était enfant, il lisait en gros n'importe quel livre qui affichait un vaisseau spatial comme 2001, l'Odyssée de l'espace. Il a vu très fréquemment un film qui lui a donné l'inspiration pour devenir créateur de films. Il aimait les effets spéciaux et il adorait les idées et les questions qui se cachaient derrière. Voilà. Ensuite, l'équipe de Game of Thrones qui s'inquiète des spoilers dus à l'alcool. Oui, il s'inquiète des spoilers qui peuvent s'échapper lors des soirées de fin de tournage. Tyrion, le plus célèbre des Lannister, est notamment connu pour avoir déclaré que la boisson pouvait lui apporter le savoir. Ce trait de personnalité pour un personnage fictif peut déteindre sur le reste de la distribution qui doit veiller à ne surtout pas dévoiler la saison 7. Macy Williams, qui joue le rôle de Arya Stark, s'inquiète des spoilers éventuels venant de l'équipe une fois que les acteurs décident d'aller prendre un verre ensemble. Elle déclare que lorsque ça se produit, ils restent ensemble et parlent de la série, ce qui les force à être particulièrement attentifs à leur environnement. Ils ne savent pas qui peut écouter ou interpréter leur conversation. On rappelle que la saison 7 de Game of Thrones sera diffusée en 2017. C'est cette année, ça, wow! Stephen Colbert va animer les Emmy Awards. Quelle bonne nouvelle pour les fans de l'humour particulièrement absurde par moment de Stephen Colbert. L'humoriste et présentateur de télévision Stephen Colbert sera l'animateur de la 69e cérémonie des Emmy Awards en septembre. Stephen, qui est le maître ultime de cérémonie avec des talents créatifs qui ont déjà été récompensés par de nombreux prix, a commenté l'un des responsables de la chaîne CBS, qui est évidemment derrière son émission Le Late Show. C'est un peu facile quand même, il est déjà en boîte, hein? Un humoriste qui a fait rire l'Amérique pendant des années avec sa parodie de présentateur de chaîne d'extrême droite de Colbert Report s'est aussitôt lancé dans une satire des déclarations du nouveau porte-parole en disant, je cite, « Ce sera la plus forte audience d'une cérémonie de Emmy, point barre, à la fois en personne et autour du monde. » Exactement comme les commentaires de Sean Spicer, le relationniste, le gars de presse là, qui parle aux médias là, lors de l'investiture de Donald Trump. En septembre 2015, Stephen Colbert a remplacé la légende télévisuelle David Letterman comme animateur du Late Show. L'an dernier, c'est un autre animateur de talk show, Jimmy Kimmel, qui avait orchestré la grande célébration de la télé américaine. J'imagine que ça avait été diffusé sur ABC à ce moment-là, qui est le réseau de Jimmy Kimmel. Les Emmy Awards qui auront lieu au théâtre Microsoft de Los Angeles le 17 septembre et les nominations sont prévues pour le 13 juillet. Dans le même genre, c'est Alec Baldwin qui va animer Saturday Night Live pour la 17e fois très bientôt dans les prochaines semaines, enfin au mois de février, le 11. C'est le président des États-Unis, Donald Trump, évidemment, qui vient de prendre le pouvoir et SNL a annoncé que celui qui le caricature depuis quelques mois, Alec Baldwin, va animer l'émission au grand complet pour la 17e fois en février. Donc, l'émission du réseau NBC l'a annoncé. L'acteur qui personnifie Donald Trump sur une base semi-régulière, là, il fait pas partie de la distribution, mais c'est un invité spécial de marque depuis le début de la saison. Et c'est celui qui a animé le plus souvent l'émission depuis ses débuts. SNL a aussi annoncé que l'actrice Kristen Stewart animerait l'émission du 4 février, donc deux émissions de suite quand même. La Canadienne Alicia Sarah Kara sera l'artiste musical invité lors de l'émission animée par Kristen Stewart. Et c'est Ed Sheeran qui va être présent à l'émission de Alec Baldwin. Ensuite, on va sur Internet. Netflix qui garde le vent en poupe malgré la concurrence. Netflix a annoncé le plus important gain trimestriel d'abonnés jamais enregistré depuis le lancement de son service de vidéo en ligne en streaming il y a 10 ans. Oui, oui, 10 ans, propulsant son action vers de nouveaux records. La société américaine revendiquait 93,80 millions d'utilisateurs à la fin du mois de décembre, soit une augmentation de 7,05 millions en 3 mois, dépassant largement sa prévision interne de 5,20 millions affichée courant octobre. Netflix a séduit au quatrième trimestre 1,93 millions d'abonnés supplémentaires aux États-Unis et 5,12 millions à l'international. Et il a redoublé d'ailleurs d'efforts l'an passé à l'international. Il se trouve désormais 47% de ses utilisateurs ailleurs qu'aux États-Unis. On espère encore augmenter l'audience de 5,20 millions de personnes, dont 3,70 millions à l'international sur le premier trimestre de 2017. Dans les échanges électroniques suivant la clôture de Wall Street, l'action de Netflix grimpait ce jour-là de plus de 8%. Et si cet envol se confirme jeudi en séance officielle, le titre touchera un nouveau pic historique. Sur l'année écoulée, Netflix enregistre une croissance régulière en Amérique latine, tandis que l'élan pour eux, est en train d'accélérer en Europe dans son ensemble et en Asie. Ils ne font que commencer, disent-ils. On peut d'autant plus se féliciter des performances du dernier trimestre parce qu'Amazon est devenu au même moment un rival frontal à l'échelle planétaire en annonçant mi-décembre l'expansion de son service en ligne à 200 pays. Netflix prend note dans sa lettre aux actionnaires du durcissement de la concurrence. Et ça va être difficile, mais pour l'instant, ils vont très bien. Ils se battent férocement, Netflix. D'ailleurs, Netflix fait beaucoup de tort aux ventes de DVD. Sans grande surprise, le streaming prend de plus en plus d'ampleur dans les habitudes de consommation de contenu vidéo. Outre les classiques YouTube et Dailymotion, ou encore les replays, les façons de revoir les émissions qui viennent de jouer récemment, là. Les plateformes de vidéos sur demande illimitées comme Netflix se développent. Mais selon une recherche réalisée par l'Université de Hong Kong, les DVD en souffrent. Menée par l'équipe du professeur Yinan Yu de l'Université de Hong Kong, une étude offre pour la première fois un argument empirique concernant l'impact de Netflix sur les ventes de DVD et de Blu-ray. L'enquête s'est intéressée, comme le signale Torrent Freak, à l'impact de la disponibilité des films sur les plateformes de streaming vidéo. Elle a tout particulièrement analysé les ventes de DVD et de Blu-ray du distributeur Epix. Ce dernier, qui avait un partenariat pour diffuser des films via Netflix, a décidé de clore ce partenariat. Les films et séries disponibles via Epix ont été transférés de Netflix à Hulu. Ce dernier est également un service de streaming illimité, mais son nombre d'abonnés est très inférieur à celui de Netflix. Le changement de plateforme a eu lieu le 1er octobre 2015. Les chercheurs ont donc étudié l'impact de ce changement sur les ventes de supports physiques durant l'année 2016. Non sans surprise, leur recherche a montré que Netflix réduisait fortement les ventes de DVD et de Blu-ray. L'étude de l'Université de Hong Kong a montré une hausse nette des ventes de DVD et autres supports physiques du catalogue de Epix. Une hausse de 24,7% des ventes a été enregistrée dans les trois mois après la fin de la mise à disposition des 10 films sur la plateforme fondée par Reed Hastings. La baisse des ventes de DVD et de Blu-ray en cas de disponibilité des films sur les plateformes de streaming pourrait être un problème. Les plateformes de streaming ne cessent de croître et en 2016, elles ont généré un chiffre d'affaires aux États-Unis de 6,2 milliards de dollars contre 5,4 milliards pour les supports physiques, ce qui est quand même pas mal plus que j'aurais pensé pour les supports physiques. Pour la première fois, le streaming a dépassé les ventes de DVD, montrant peut-être que les utilisateurs ne désirent plus posséder un film et qu'ils se tournent vers une simple consommation ponctuelle. On reste sur Netflix avec des codes cachés. Vous allez pouvoir trouver plus facilement votre bonheur. J'en ai parlé, je me souviens plus dans quelle des chroniques à Assemblage requis ou au Mathieu Plante Show ou peu importe parce que j'en fais beaucoup des chroniques. Mais bref, pour avoir des catégories un petit peu plus précises, je disais que sur Netflix, c'était plate. Si tu cliques sur, je sais pas, tu cliques sur, sur série originale Netflix. Et là, tu vas voir, non, ou genre originaux Netflix. Là, tu vas voir tous les films, les séries qui viennent de peu importe le pays. Ou encore, tu cliques sur comédie. Là, tu vas avoir des films, des séries. Tu vas avoir des animés japonais. C'est beaucoup trop mêlé. Les catégories sont trop floues. Si vous avez une envie précise, des codes cachés devraient vous faire gagner un temps précieux. Ouais, Netflix propose par défaut quelques catégories, mais elles sont peu nombreuses, vraiment floues, il y en a moins d'une vingtaine. Donc, trouver un film là-dedans, ça pourrait être assez difficile si tu veux un style vraiment précis. Il existe pourtant bon nombre de catégories cachées, et là, je vais vous surprendre, il y en a une vingtaine de publics, il y en a 27 000 catégories cachées. Le principe est le suivant. Une fois que vous avez trouvé le code d'une catégorie qui vous intéresse, il suffit de l'ajouter au bout de l'URL suivante qui est www.netflix.com/browse, comme dans fureté, /genre, sans espace, et vous allez avoir le mot par après. Et là, vous, pour trouver le code, qu'est-ce qu'on fait? On va sur assemblagerequis.com et on clique sur l'article. Hein? Le nom des catégories est en anglais, mais si les émissions sont en français, ça va fonctionner quand même. Donc, par exemple, et là, il y a des liens qui sont déjà préfaits, là. Les liens qui sont préfaits sur la page sur assemblagerequis.com, même pas besoin de chercher. Disons, je sais pas, tu cherches... dans mon cas, je chercherais des documentaires sur le crime. Hein? Donc, ce serait netflix.com/browse/genre/9875. Tu pourrais avoir aussi, je sais pas, tu pourrais avoir des films cultes d'horreur. Tu pourrais avoir comédie stand-up. Tu pourrais avoir films silencieux. Wow, c'est le 53-310. Tu pourrais avoir des classiques western. Tu pourrais avoir des films sur la spiritualité. Toutes ces catégories-là existent pour vrai et les sous-catégories ont leur propre code. Donc, vous allez avoir des années de plaisir parce qu'il y en a à l'infini. Hein? T'as même genre film drôle réalisé par Woody Allen. Ça a son propre code, ça. C'est fantastique pour vrai. Allez voir. C'est sur assemblagerequis.com. Ensuite, on va sur YouTube. Une faille dans YouTube qui permet de diffuser illégalement de la porno piratée. Wow, héberger ces vidéos sur son site web, ça demande beaucoup de stockage, ça prend de la place, ça prend de la bande passante. Donc, si vous les mettez sur YouTube et que vous les intégrez directement sur votre site, ben Google s'occupe du reste. Hein? C'est impossible, par contre, avec de la porno, parce que ce genre de contenu-là est interdit sur la plateforme. Mais les pirates ont trouvé un contournement. Ouais, plusieurs sites pour adultes utilisent une faille dans le système de YouTube leur permettant d'héberger leur contenu gratuitement sur les serveurs de la plateforme en exploitant l'option proposée par le service d'uploader une vidéo sans la partager publiquement. C'est ça la twist. Il faut pas que vos vidéos soient publiques. En procédant ainsi, on reçoit un lien privé vers la vidéo, laquelle peut aussi être intégrée sur n'importe quel site web. Ces sites peuvent donc héberger du contenu pour adultes sur YouTube, non listé par Google et servi en public quand même via un site web externe. Et puisque ces vidéos-là sont pas partagées publiquement, il est plus difficile pour YouTube de partir à la chasse aux violations de copyright de manière automatique. Faudrait que quelqu'un le report, j'imagine. Le dit contenu donc finit par être effacé un jour, mais ça prend quand même pas mal plus de temps. L'industrie de la porn a elle aussi pris bonne note de cette pratique et de nombreux studios réclament aujourd'hui la suppression pure et simple du partage privé. Une décision qui, si elle venait à être prise, ennuierait de nombreux utilisateurs légitimes de cette façon de faire les choses. Donc, histoire à suivre. Et finalement, ceux qui regardent The Office, La Job, Le Bureau en France, peu importe l'adaptation que vous écoutez, The Office UK, The Office US, vous connaissez tous le principe dans cette sitcom des acteurs, après un malaise, les acteurs vont regarder la caméra et faire un petit genre « Je peux pas croire, pour vrai. » Tu sais, le genre de... On appelle ça « The Office Stare ». Le regard constant de la caméra. Donc, ça s'appelle... C'est un site web qui s'appelle « The Office Stare Machine ». .com, où vous pouvez entrer n'importe quelle émotion et la machine va jouer des clips des personnages de l'émission en train de regarder la caméra avec cette émotion-là, que ce soit effet de surprise, effet de malaise. Il y a 800 émotions différentes dans la machine. Regard meurtrier, regard affamé de sexe, horny, tu sais. The Stare Machine, c'est vraiment ça. C'est le génie Joe Sabia qui travaille chez Condé Nast qui a créé ça. Donc, TheOfficeStareMachine.com. D'ailleurs, tiens, je pense que j'ai un extrait ici. Zwip. He is correct. Type attends, in j'ai recommencé emotion. Au début, là. Bon, faut l'entendre quand même. Welcome to the office. Bienvenue stare à The Office Stare Machine. Il est programmé pour ressentir les émotions humaines. Correct. Il a raison. Type in any tapez n'importe quelle émotion. You will receive videos vous allez recevoir of une vidéo de personnages qui regardent you. La caméra. C'est tout? Bref, allez voir ça sur, sur assemblagerequipe.com. La vidéo de démonstration est particulièrement rétro et ragarde. TheOfficeStareMachine.com, c'est bien le fun pour moi, je trouve ça cool. Ensuite, ben c'est tout! C'est tout pour Television. Wow, on est déjà arrivé à la fin. C'est le moment de s'écouter un petit peu de chiptune. On va aller entendre Burial Leak. Voici Angel Woman Extra Trouble. MPS, le Mathieu Planchon. Ça, c'est bon. Sometimes. La pièce Big Bang par Venom, précédée de Angel Woman Extra Trouble par Burley Leak. Au Mathieu Plante Show maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Commençons avec les chiens. Les chiens, apparemment qu'on emploie le parler bébé. Quand on parle avec un chien, je ne saurais pas parce que je n'aime pas tant les chiens, je préfère les chats. Mais bon, lorsqu'on parle amicalement à un chien, on change souvent d'intonation comme s'il s'agissait d'un bébé humain, qu'il soit chiot ou adulte. Pourquoi? Des chercheurs qui se sont penchés sur la question concluent que si nous parlons ainsi à notre chien, c'est parce que nous aimerions qu'un jour il nous réponde en parlant. Lorsqu'ils parlent à leur bébé, les adultes humains utilisent un registre de parole particulier caractérisé par un ton plus aigu et plus variable, un tempo plus lent et une articulation plus claire des voyelles. Un comportement voisin avait déjà été rapporté chez les macaques rhésus. Les raisons pour lesquelles les adultes humains utilisent ce parler bébé ne sont pas clairement établies. Oui. L'émotion provoquée par les caractéristiques du visage du bébé, comme la face ronde et le petit nez, peut être à l'origine de ce comportement. Une autre hypothèse suggère que les adultes facilitent ainsi l'apprentissage du langage et cessent d'employer ce registre quand le bébé devient capable de parler. En étudiant la manière dont les humains parlent à leurs chiens et leurs réponses, une étude à laquelle ont contribué les chercheurs de l'Institut de neurosciences Paris-Saclay, le CNRS Université Paris-Sud, basé à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, apporte des éléments de réponse. Voici des milliers d'années que le chien est devenu le meilleur ami de l'homme et cette intimité se reflète à travers de multiples aspects de compréhension mutuelle et d'empathie. Lorsqu'on parle à nos chiens, on utilise souvent un registre de langage proche du parler bébé. De même que, pour les bébés, se parler chien pourrait constituer une réponse spontanée à des caractéristiques juvéniles ou représenter une tentative pour engager une interaction avec un être vivant non doué de langage. Dans le premier cas, on devrait restreindre l'utilisation du parler bébé aux chiots, tandis que dans le second, nous devrions continuer de parler ainsi aux chiens adultes. Ce sont ces hypothèses que des scientifiques américains, britanniques et français viennent de tester. Dans une première expérience, les chercheurs ont présenté des photographies de chiens d'âge divers à des adultes humains qui avaient pour consigne de dire les phrases suivantes. « Alors le chien, comment ça va le doudou? C'est qui le bon chien? Viens ici mon chien. Ah, il est gentil le chien. Ça, c'est un gentil chien. » C'est très, très français, hein? Les personnes devaient ensuite prononcer ces mêmes phrases sur un ton neutre. L'analyse de la structure acoustique des enregistrements montre que notre manière de parler face à des chiots est très semblable au parler bébé et que nous continuons d'utiliser ce registre quel que soit l'âge du chien. Dans une seconde expérience, les scientifiques ont fait écouter ces enregistrements à des chiens, chiots et adultes. Le chien était placé dans une pièce confortable en présence du chercheur placé face au mur pour ne pas attirer son attention. Un haut-parleur posé sur le sol émettait successivement la phrase prononcée en parler chien et la même phrase en langage normal. La réponse du chien a été filmée pour être analysée. Les résultats des expériences sont clairs. Lorsque la phrase émise par le haut-parleur est prononcée de manière normale, aucun des chiens testés ne manifeste l'intérêt pour l'enregistrement. Au contraire, lorsqu'ils entendent du parler chien, les chiots deviennent très excités, aboient et s'approchent du haut-parleur, tandis que les chiens adultes ignorent l'enregistrement, continuant de vaquer à leurs occupations. C'est poussé comme test. En montrant que les humains utilisent le parler chien pour communiquer avec des chiens de tous âges, cette étude suggère que ce registre particulier est utilisé pour engager les interactions avec un individu non doué de langage. Il est donc fort probable que le parler bébé utilisé avec notre progéniture soit motivé par notre désir de rendre la communication plus efficace avec un être qui ne maîtrise pas encore le langage ou dont on pense qu'il a des difficultés à nous comprendre. Si le parler bébé accélère effectivement l'apprentissage du langage chez les nouveau-nés, nous aurions donc tort de nous en priver. Du côté des chiens, les résultats montrent que le parler chien est très efficace pour engager l'interaction avec un chiot, mais perd de son intérêt avec des chiens plus âgés. Ceux-ci attendent probablement d'autres signaux de notre part, par exemple le gestuel, ou ne répondent qu'à des voix familières. Nous continuons pourtant de leur parler comme à des bébés, car de manière consciente ou non, nous ressentons que le chien risque de ne pas bien comprendre et nous espérons qu'il fasse des progrès en devenant capable de nous parler. Une étude qui est publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society B. Maintenant, la pression artérielle de la maman pourrait prédire le sexe du bébé. Peut-on influencer le sexe du bébé avant même sa conception? D'après une nouvelle étude sino-canadienne, les femmes dont la pression artérielle est plus élevée avant la grossesse ont plus de chances d'avoir un garçon. Oh wow! Donc les futurs parents ne sont pas les seuls à se passionner pour cette problématique de décider les sexes, là. La recherche en médecine s'y intéresse aussi car ça pose la question du rôle des paramètres physiologiques dans le sexe ratio des naissances. Ainsi, une étude de 2008 avait suggéré que les femmes qui mangeaient plus de céréales et d'aliments riches en potassium avaient davantage de chances d'avoir un garçon. mais cette étude a été critiquée par d'autres scientifiques qui ont mis en cause la méthode utilisée. Ici, une nouvelle recherche parue dans la revue American Journal of Hypertension a trouvé un autre facteur qui prédirait le sexe du bébé, la pression artérielle de la mère avant sa grossesse. Dans cette étude, une équipe de chercheurs canadiens et chinois a suivi un large échantillon de femmes qui avaient un projet de maternité pour savoir s'il y avait un lien entre la santé de la mère avant sa grossesse et le sexe du bébé. La cohorte étudiée était composée de 1411 jeunes mariés de Liuyang en Chine. Des mesures de pression artérielle, cholestérol, triglycérides, glucose ont été réalisées. Toutes les jeunes femmes ont ensuite démarré une grossesse en moyenne 26 semaines plus tard. Ceci a conduit à la naissance de 739 garçons et 672 filles. La pression systolique avant la grossesse était plus élevée chez les femmes qui ont eu un garçon que celles qui ont eu une fille. Plus elle s'élevait, plus les chances d'avoir un garçon augmentaient. Après avoir ajusté les résultats en fonction d'autres facteurs, la pression artérielle des mamans de garçons était toujours plus haute que celle des mamans de filles. L'analyse statistique des résultats montrait que la pression artérielle systolique avant la grossesse était le seul paramètre capable de prédire le sexe du bébé. Ces résultats doivent cependant être pris avec précaution. L'étude ne prouve pas de lien de cause à effet entre la tension artérielle et le sexe du bébé. Elle montre seulement une corrélation entre les deux. Cette étude pourrait donc inciter les scientifiques à approfondir les facteurs qui influencent le sexe ratio des naissances. Pour guérir les caries, les dents pourraient se réparer toutes seules. Alternative à l'amalgame dentaire pour soigner une carie, stimuler les capacités naturelles de la dent à se réparer elle-même en activant les cellules souches de la pulpe. C'est ce que pourrait faire le Tidéglucive, un médicament anti-Alzheimer capable de régénérer la dent chez les souris. La dentine des dents est produite par des cellules spécialisées, les odontoblastes. Lorsqu'une carie se développe sur une dent ou que celle-ci est cassée, la dentine est perdue. Le tissu de la pulpe peut alors être exposé à l'extérieur et s'infecter. Un processus de réparation naturelle est activé en mobilisant des cellules souches de la pulpe. Ce mécanisme, cependant, ne répare que des petits trous dans la dentine. C'est pourquoi les dentistes utilisent des amalgames dentaires qui comblent les trous laissés par les caries et restent dans la dent. Mais pour Paul Sharp du King's College de Londres, la dent n'est pas seulement un morceau de minéral, elle a sa propre physiologie. Vous remplacez un tissu vivant par un ciment inerte, les obturations fonctionnent bien, mais si la dent peut se réparer elle-même, c'est sûrement la meilleure solution. En effet, les amalgames ont aussi des inconvénients, ils peuvent s'éroder, se détacher et favoriser l'infection de la dent. Du point de vue moléculaire, quand un tissu est endommagé, une voie de signalisation est activée et stimule la réparation. Une des enzymes clés dans la voie de transduction du signal est le GSK3, le glycogène synthase kinase 3. Et des inhibiteurs de GSK3 ont été développés pour favoriser l'activité de WNT. Ça, c'est une voie de signalisation, on appelle ça WNT bêta 4. Le Tidéglucive est un de ces antagonistes de GSK3. Ce médicament est étudié dans des essais cliniques pour le traitement d'Alzheimer. Il a montré qu'il était sans danger lors des essais cliniques, ce qui en fait un bon candidat pour une réparation des dents. Pour savoir si ce médicament pourrait régénérer la dent, les chercheurs ont percé des trous dans des dents de souris, puis ils ont inséré une éponge biodégradable imprégnée de médicaments et fermé la dent avec un adhésif dentaire. Les éponges de collagène utilisées sont autorisées en clinique. Quand les dents des souris ont été observées plusieurs semaines plus tard, l'éponge était dégradée et avait été remplacée par une nouvelle dentine. La dent était capable de se reconstruire d'elle-même. Reste à savoir si la méthode fonctionnera chez l'homme, chez qui les trous risquent d'être plus grands, évidemment. D'après The Guardian, l'équipe teste ce dispositif chez les rats dont les dents sont 4 fois plus grandes que celles des souris. Le Tidéglucive offre donc l'espoir d'obtenir un jour un traitement simple et peu coûteux contre les caries, mais malheureusement, il ne nous permettra pas d'échapper à la roulette du dentiste qui devra toujours l'utiliser pour retirer les parties détériorées de la dent, malheureusement. Les résultats qui sont publiés dans Scientific Reports. Quand l'intelligence artificielle prédit la mort, et notre prochain sujet de la part de Radio-Canada.ca, un logiciel permet maintenant de prédire quand le cœur d'une personne atteinte d'une maladie cardiaque cessera de battre, et ce, beaucoup plus précisément qu'avec les moyens actuels. Le docteur Declan O'Regan, c'est tellement irlandais, le docteur Declan O'Regan du London Institute of Medical Sciences explique que ce logiciel aidera éventuellement les médecins à identifier les patients en danger de mort et qui nécessitent plus d'attention et des traitements rapides. Le logiciel en question apprend à analyser les tests sanguins et les examens cardiaques pour détecter les signaux de défaillance de l'organe. C'est la première fois qu'un ordinateur peut interpréter des examens cardiaques dans des heart scans pour prédire avec précision combien de temps un patient vivra. Par exemple, l'ordinateur permet de prédire avec une précision allant jusqu'à 80% la survie à un an. La précision est de 60% à l'heure actuelle. Un médecin équipé de ce logiciel serait donc en mesure d'établir un diagnostic plus éclairé que s'il fondait son analyse uniquement sur les moyens actuels. Ce logiciel d'intelligence artificielle analyse automatiquement les images en mouvement du cœur d'un patient pris au cours d'un examen par résonance magnétique. Il utilise ensuite un traitement avancé d'images pour construire un cœur virtuel en 3D qui reproduit la contraction du cœur au cours de chaque battement en pas moins de 30 000 points d'analyse. Les chercheurs ont alimenté le logiciel de données de centaines de patients, puis ont lié ces données à des modèles. Le logiciel a appris quelques attributs d'un cœur, de sa forme à sa structure. On va recommencer ça. Le logiciel a appris quels attributs d'un cœur, de sa forme à sa structure, le mettent en danger. Il peut ainsi établir le risque d'insuffisance cardiaque d'une personne à 5 ans. Le logiciel a été développé en utilisant les données de patients présentant une hypertension pulmonaire, maladie par laquelle la haute pression dans les vaisseaux sanguins qui alimentent les poumons met aussi de la pression sur le côté droit du cœur. Or, avec le temps, cette situation endommage progressivement le cœur et cause sa défaillance. Le tiers des personnes atteintes meurent dans les 5 ans après leur diagnostic. On estime que 2000 à 5000 Canadiens ont reçu un diagnostic d'hypertension pulmonaire, mais que jusqu'à 10 000 Canadiens pourraient en être atteints sans savoir. Les chercheurs britanniques veulent maintenant tester cette technologie avec d'autres formes de problèmes cardiaques, comme la cardiomyopathie. Elle pourrait ainsi servir à établir si un patient a besoin d'un stimulateur cardiaque ou d'une autre forme de traitement. En outre, ils veulent tester leur logiciel dans d'autres hôpitaux, avant de décider s'ils le rendront disponible chez l'ensemble des médecins. Les détails de ces travaux publiés dans le journal Radiology. Ensuite, est-ce que ce sera bientôt la fin des cicatrices à vie? Des chercheurs américains pensent qu'il est possible de manipuler le processus de cicatrisation pour éviter de laisser des marques sur la peau. L'astuce consisterait à générer des follicules pileux ça m'a toujours fait rire l'expression follicule pileux, qui induisent la formation de cellules de graisse. La peau ressemblerait alors à celle d'origine. Qu'il s'agisse du souvenir laissé par une opération ou un accident, certaines cicatrices marquent à vie. Le tissu cicatriciel a un aspect différent du reste de la peau parce qu'il ne contient pas de cellules de graisse, adipocytes ou de follicules pileux. Au lieu de cela, il est formé de myofibroblastes. C'est la même chose qui se passe lorsque la peau vieillit et qu'elle perd des adipocytes. C'est-à-dire que les rides apparaissent. Toutefois, des chercheurs américains imaginent qu'il soit possible un jour de régénérer la peau autrement qu'avec un tissu cicatriciel, chose que l'on croyait impossible jusqu'à présent chez les mammifères. Les scientifiques ont découvert que les myofibroblastes existants peuvent être convertis en adipocytes. Jusqu'à présent, on pensait que seuls les amphibiens et les poissons étaient capables d'une telle conversion. Les chercheurs soupçonnaient que la croissance des follicules pileux accompagnait celle des adipocytes dans la peau qui se régénèrent. Ils ont donc provoqué la croissance des follicules pileux dans le tissu cicatriciel de souris et dans des échantillons de peau humaine cultivés en laboratoire. D'après les résultats parus dans Science, les follicules pileux libèrent une protéine signal qui est le BMP pour Bone Morphogenetic Protein, qui convertit les myofibroblastes en adipocytes. Si les follicules pileux sont induits au niveau de la plaie, la nouvelle peau fabriquée ne peut pas être distinguée de la peau préexistante. Il est donc possible d'imaginer à l'avenir que ces résultats puissent être répliqués dans un essai clinique en manipulant BMP et myofibroblastes afin de guérir des blessures sans laisser de cicatrices. C'est merveilleux. Ensuite, on va dans l'ADN, du séquençage d'ADN peut-être sur smartphone. Des chercheurs ont conçu un microscope qui, associé au capteur photo d'un smartphone, est capable de détecter des produits fluorescents des réactions de séquençage de l'ADN dans les cellules et les tissus, de quoi réaliser des diagnostics de pointe sans avoir besoin de disposer d'un laboratoire. Grâce aux progrès technologiques qui ont cours ces dernières années, le séquençage de l'ADN est devenu à la fois plus rapide à réaliser et moins onéreux. Et dans un avenir pas très lointain, cette analyse sera vraisemblablement praticable sur le terrain avec l'aide d'un smartphone. Dans un article paru le 17 janvier dernier dans Nature Communications, une équipe de chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles et des universités de Stockholm et de Uppsala en Suède a présenté un microscope qui s'appuie sur l'appareil photo d'un téléphone intelligent. Le dispositif est en mesure de détecter les produits fluorescents des réactions de séquençage de l'ADN dans les cellules et les tissus. Concrètement, cela signifie qu'un médecin pourrait, par exemple, brancher cet instrument sur un smartphone et réaliser un séquençage ADN ciblé ou bien une analyse moléculaire sur une tumeur dans des lieux dépourvus de laboratoire. Selon les chercheurs, cet outil mobile permettrait en théorie de diagnostiquer des cancers ou des maladies infectieuses à peu près n'importe où, de quoi évoluer vers de la télémédecine de pointe en réalisant le summum des diagnostics sans avoir besoin de disposer de moyens techniques importants. L'appareil dont il est question se compose d'un adaptateur fabriqué par impression 3D qui vient se fixer à l'appareil photo de téléphone intelligent Lumia 1020. L'accessoire comporte deux diodes laser pour l'imagerie par fluorescence et une diode électroluminescente, une LED, une lumière LED, blanche pour l'imagerie de transmission. Des essais concluants ont été réalisés sur des lignées cellulaires de cancer du côlon et sur des échantillons de tumeurs humaines. Le traitement des images a été géré par un algorithme d'apprentissage numérique. D'apprentissage automatique, pardon. Malgré ce succès des plus encourageants, les chercheurs estiment que leur smartphone microscope peut encore gagner en précision et en profondeur au niveau du séquençage. Mais la puissance de ces terminaux mobiles a réellement le potentiel pour révolutionner l'analyse biomédicale ambulante avec à la clé la possibilité de traiter des populations qui n'ont pas aujourd'hui accès à ce type de médecine. Ensuite, des objets imprimés en 3D qui peuvent changer de forme a posteriori, ça veut dire après. Le MIT a trouvé une méthode qui lui permet d'intervenir sur la polymérisation d'un objet imprimé en 3D afin de pouvoir modifier sa forme, sa taille ou sa couleur après coup. L'impression 3D permet de gagner beaucoup de temps et d'argent, notamment pour le prototypage. Seul problème, une fois un objet créé, il n'est plus possible de le modifier sauf à le réimprimer. Les polymères qui servent à le fabriquer meurent et il est alors impossible de les réactiver pour changer ou ajouter quelque chose à une création. Mais parlons au passé, car en fait, des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, ont trouvé le moyen de modifier la composition chimique et les propriétés mécaniques du matériau afin de pouvoir le remodeler après son impression 3D. Concrètement, il est possible de rétrécir ou d'agrandir un objet, de changer sa couleur et même sa forme. L'invention s'appuie sur un procédé de polymérisation vivante dans lequel les polymères qui composent la matière restent en quelque sorte actifs, prêts à répondre à une stimulation, en l'occurrence la lumière bleue d'une LED. Chaque polymère contient des tritiocarbonates, donc du TTC, dont la structure est en accordéon et qui peuvent être activés par des catalyseurs organiques. Lorsque ces derniers sont exposés à la lumière bleue, ça entraîne une formation de nouveaux monomères sur les TTC, ce qui a pour effet de les étirer. Les monomères étant répartis de façon uniforme dans la structure, il confère de nouvelles propriétés au matériau, ce qui permet alors de modifier l'objet. Dans leur article publié par ACS Central Science, les chercheurs du MIT expliquent qu'ils sont parvenus à jouer sur les propriétés mécaniques d'un objet en altérant sa dureté. Ils ont également réussi à modifier les propriétés hydrophobiques, à le faire enfler ou rétrécir en utilisant un monomère sensible à la température. Si la viabilité du procédé a été démontrée, sa mise en œuvre est relativement complexe. Il faut notamment que les catalyseurs organiques soient placés dans un environnement sans oxygène, ce qui exclut pour le moment toute application autre qu'en laboratoire. L'objectif principal des chercheurs est d'ailleurs de tester d'autres sortes de catalyseurs et à terme, il serait ainsi possible de travailler sur un objet, un prototype, en lui apportant des modifications sans avoir besoin de systématiquement le fabriquer à nouveau. Et pour terminer, une prothèse bionique avec un pistolet Nerf intégré. Pour finir sur une note légère, les prothèses bioniques sont dans l'air du temps. C'est d'ailleurs l'un des axes de recherche majeurs dans les biotechnologies. Nicolas Huchet a perdu une main après un accident. Ce grand fan des objets pistolet Nerf a reçu en cadeau quelque chose de tout à fait unique, une prothèse bionique avec un pistolet intégré. Donc l'idée est venue au groupe de hackers Hackerloop, basé à Paris et à New York. Alors qu'il réfléchissait à un moyen de permettre à Nicolas Huchet de mieux jouer à son favori Nerf. Fixé sur son bras, amputé grâce à un capteur d'électromyogramme, donc un EMG, un circuit Arduino, ce pistolet Nerf bionique fait feu par simple contraction musculaire. Mieux encore, le pistolet continue de tirer tant que l'activité électrique, donc la contraction musculaire, est maintenue au-dessus d'une valeur seuil. Pour l'heure, cette arme n'est qu'un prototype, mais l'équipe a bien l'intention de finaliser le produit pour le mois prochain. Waouh! Tellement cool, allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. C'est tout pour Merci Science. Il nous reste seulement un dernier petit bloc qu'on appelle CNX, le segment geek, juste après ce court bloc musical. On commence avec Skull Scully. Voici Bit Battle, MPS, le Mathieu Plante Show sur CIF. La première fois, FM. Radio Campus de Trois-Rivières. C'était Skull Scully avec Spring Break Beat, précédé de Beat Battle par aussi Skull Scully, donc deux petites pièces, un bloc duo de sa part. Maintenant, c'est le segment geek Cynix. Cynix, c'est le blog de tout ce qui est cool, nouveau et extrêmement intéressant. On parle d'informatique, de jeux vidéo, de technologie, des trucs comme ça. Évidemment, je parle la plupart du temps de nouvelles dont vous n'avez pas entendu parler encore, parce que sinon, je trouve que c'est plate un petit peu tout le temps parler des mêmes sujets que les autres. Et il n'y a pas grand-chose cette semaine. Donc, commençons avec des extincteurs moléculaires pour protéger les batteries de nos smartphones. La batterie serait la seule responsable des explosions du Galaxy Note 7. On l'a su récemment, une information qui a été confirmée avec les résultats de l'enquête menée par Samsung. En attendant que de nouveaux progrès soient faits pour éviter ce type de désagrément, les chercheurs proposent d'inclure au cœur des batteries de smartphones des extincteurs moléculaires capables d'éteindre les incendies naissants. Dans les smartphones, les ordinateurs portables et même les voitures, les batteries lithium-ion ont envahi le quotidien. Pourtant, ils ne sont pas exemptes de failles de sécurité, comme le rappellent quelques faits divers. Alors, pour éviter la malheureuse mésaventure arrivée au Samsung Galaxy Note 7, des chercheurs de l'université de Stanford proposent donc une solution, l'extincteur moléculaire. C'est sa mise en œuvre qui pourrait apporter un véritable plus, parce qu'en tant que tel, l'idée n'est pas nécessairement nouvelle. Pour contrer l'inflammabilité des électrolytes que contiennent les batteries lithium-ion, on peut y ajouter des additifs ignifuges, généralement à base de phosphore ou d'halogène. Malheureusement, pour éviter tout risque de combustion, il faut ajouter tellement de retardant dans l'électrolyte que celui-ci en perd son efficacité. Pour contrer le problème, les chercheurs de l'université de Stanford ont choisi d'enfermer un tel additif, du triphénylphosphate, ou TPP, on a parlé tantôt dans Merci Science, dans une capsule en polymère du polyvinylidène fluoré d'hexafluoropropylène. Hey! Du premier coup! Je vais réessayer pour aller voir, pour être sûr. Polyvinylidène fluoré d'hexafluoropropylène, du PVDF-HFP, mise en œuvre sous la forme de microfibres. De quoi éviter la dissolution immédiate du retardant dans l'électrolyte et la perte des performances des batteries. En cas d'emballement thermique, la capsule en PVDF-HFP fond dès les 160 degrés Celsius, soit à un stade très précoce de la combustion, et libère le TPP dans l'électrolyte, étouffant le feu d'un véritable extincteur à l'échelle moléculaire, évitant ainsi donc l'explosion de la batterie, le tout en moins d'une demi-seconde. Allez voir la vidéo, c'est impressionnant sur assemblagerequis.com. Ensuite, l'armée américaine veut créer des balles biodégradables remplies de graines de plantes. Oui, l'expression « partir la fleur au fusil », jamais entendu, mais c'est français, sera bientôt à considérer au sens propre ou presque. L'armée américaine souhaite en effet développer des balles biodégradables contenant des graines de plantes, selon le site Seeker du 11 janvier dernier. Ce sont plus spécifiquement les grosses cartouches qui sont ciblées. Celles allant de 40 mm, donc les grenades, jusqu'à des obus de tanks ou d'artillerie de plus de 120 mm. Le département de la Défense des États-Unis a lancé un appel de projet à la fin du mois de novembre à ce sujet. L'idée est d'éviter les pollutions environnementales dans les terrains et zones d'entraînement pour le moment, car les cartouches sont soit laissées sur le sol, soit enterrées, alors qu'elles mettent des siècles à se dégrader. De plus, les métaux et produits chimiques peuvent contaminer le sol. Le département de la Défense précise que le laboratoire de l'armée américaine a montré qu'il était possible d'intégrer des graines dans une cartouche biodégradable. Pour autant, la plante ne germera pas avant des mois. Une fois la munition utilisée et la cartouche abandonnée, celle-ci va commencer à pourrir et les plantes à germer. Ces végétaux devront justement éliminer les contaminants du sol et consommer les parties biodégradables de la cartouche, précise le département de la Défense dans son appel à projet. De plus, ces plantes devront être saines pour les animaux qui pourraient s'en nourrir. Il est possible de déposer son projet jusqu'au 8 février prochain, si ça vous intéresse. C'est d'ailleurs pas la seule tentative de l'armée américaine sur le sujet, selon le blog Ligne de défense de West France. En effet, les États-Unis ont déposé en 2006 un brevet imaginant une munition soluble dans l'eau froide. Un second brevet datant de 2014 évoque des munitions de chasse aux étuis biodégradables en thermoplastique, selon l'auteur. Les montres intelligentes peuvent savoir avant vous si vous allez tomber malade. Les smartwatches ne sont pas franchement les plus idéales pour donner l'heure, nous dit l'article de UberGizmo.com avec une pointe éditoriale, mais elles sont parfaites pour suivre sa condition physique, sa fréquence cardiaque, le nombre de pas effectués, les distances avalées, etc. Les capteurs se multiplient à l'intérieur de ces joujoux et la prochaine nouveauté pourrait vous séduire. Elle pourrait savoir si vous êtes sur le point de tomber malade. Cette nouveauté a été découverte récemment par Michael Snyder, chercheur à l'université de Stanford aux États-Unis, encore eux. Ces montres brassent tellement de données médicales que ce n'est pas illogique. Une fréquence cardiaque élevée, une augmentation de la température de la peau et une baisse de ses niveaux d'oxygène dans son sang, autant de facteurs qui permettent de prédire l'état de santé du patient, surtout s'il se dégrade. Je cite, nous pensons que si votre fréquence cardiaque et la température du corps sont élevées pendant environ 2 heures, il y a de fortes chances que vous soyez malade. Pas de diagnostic donc, mais une raison d'aller voir le médecin pour vérifier si tout va bien. Pas aussi efficace qu'un avis professionnel, mais quand même intéressant. Maintenant, dans l'insolite inutile, quelqu'un qui demande 200 000 $ pour réinitialiser les mots de passe de son école. L'American College of Education, ACE, a fait les frais d'un sérieux manque d'expérience en matière de services d'information. Ils ont renvoyé leur administrateur IT, donc les technologies de l'information, qui s'était empressé de leur redemander 200 000 $ pour déverrouiller les comptes des étudiants, les comptes courriels. Drôle d'affaire, donc, c'est aux États-Unis, bien sûr. Tout commence par la décision de l'American College of Education de se séparer de son équipe de techniciens afin de tout faire réaliser à moindre frais par des prestataires extérieurs, évidemment. Des prestataires, oui. Problème, ils ont aussi renvoyé Triano Williams, qui était auparavant l'administrateur de leur solution de bureautique Google. Donc, toute la plateforme bureautique exploitée par les étudiants et professeurs était au nom de Triano Williams et lui seul en avait les mots de passe d'administration. Très grosse erreur de la part de la direction, bien sûr. Par la suite, les étudiants n'ont plus été en mesure d'accéder à leur messagerie Google et Ace a tenté de corriger ça depuis le panneau de configuration. Mais non, ça a été bloqué par Google qui a détecté un trop grand nombre de tentatives échouées pour trouver le mot de passe. Ace a donc contacté Triano Williams qui l'a redirigé vers son avocat, lequel a sollicité un chèque de 200 000 $ US et une lettre de recommandation pour son client. Finalement, c'est un petit peu la prise d'otage de tout un système d'information par un individu un petit peu plus intelligent que ses anciens employeurs. La justice américaine compte entendre le fin mot de l'histoire, c'est parce que ces 200 000 $ sont réclamés à titre de dédommagement pour des comportements discriminatoires et racistes de Ace envers ses employés techniques, c'est sûr, hein? Aussitôt que t'es noir et que tu te fais sacrer dehors, immédiatement, c'est du racisme. Hein? Faites-vous votre propre opinion là-dessus. L'article est sur assemblagerequis.com. Une autre nouvelle insolite. Pour vrai, normalement, je ne ferais pas de nouvelle insolite parce que c'est le genre de truc que j'aime pas du tout. Mais dans ce cas-là, comme c'est technologique, je m'y intéresse un tout petit peu. Une fille qui s'est rendue dans la Silicon Valley pour récupérer sa page Facebook désactivée. C'est l'histoire d'une jeune femme de Belgique qui s'est réveillée un matin et s'est rendue compte que sa page Facebook très populaire avait été désactivée par Facebook. Donc, Jamila Baidou, 23 ans, une célébrité dans son pays, se réserve un vol pour la Silicon Valley pour demander à récupérer sa page directement au quartier général du réseau social le plus populaire de la planète. Depuis sa participation à La Voix, The Voice, en 2014, la jeune femme s'est mise au vlog. Sa page compte plus de 157 000 fans et plusieurs de ses vidéos ont été visionnées plus d'un million de fois. Sa page Facebook était la plateforme la plus importante pour elle, donc évidemment, elle était inquiète à savoir qu'est-ce qui allait se passer avec ça. Jamila avait tout perdu en une seule nuit, mais elle était déterminée à récupérer sa page. Après avoir pris contact avec Facebook Belgique, en vain, l'idée lui est venue d'aller aux États-Unis pour demander à Mark Zuckerberg lui-même de lui rendre sa page. Ce qui n'était au début qu'une simple blague s'est transformé une semaine plus tard en un billet d'avion à Los Angeles. La jeune femme créa ensuite rapidement une nouvelle page Facebook pour raconter ses péripéties outre ce pays où elle habite. Il raconte tout... Elle s'est prêtée à visiter le quartier général de Facebook, peut-être Mark Zuckerberg... Blablabla. Vous pouvez aller voir sa page Facebook pour savoir ce qui s'est passé par la suite. Ça dit même pas le résultat. Encore plus plate de l'insolite que pas de résultat à la fin. Hein. Celui-là, un article qui m'intéresse dans le sens que j'aimerais voir ça partout dans le monde. C'est des kiosques dans les aéroports, dans 7 pays, qui vous permettent de changer votre argent étranger pour vous en des crédits iTunes. Hein? Si jamais vous êtes revenu d'un voyage avec tout plein de petites monnaies, mais c'est trop peu de monnaies pour aller à une banque pour changer ça en dollars avec les frais et tout ça, bon. Traveler's Box a une alternative. C'est donc des kiosques d'aéroports dans 7 pays qui vous donnent des crédits iTunes à la place. Ça peut aussi vous donner des coupons pour chez Starbucks ou transférer ça vers votre compte PayPal, ce qui serait probablement mon choix, vraiment cool. Donc, les kiosques automatisés acceptent les billets ainsi que les piécettes. Si vous voulez pas le crédit pour vous-même, vous pouvez même donner ça à une œuvre de bienfaisance. Et évidemment, tantôt, je parlais de frais. Là, les banques sont pas les seules à prendre des frais. C'est clair qu'il va y avoir des frais. 7% quand même de commission sur la transaction. C'est pas grand-chose. 7%, je trouve. Même moi, tu sais, j'aime tellement pas rouler des rouleaux de pièces de monnaie que ça me dérange pas d'aller dans les stars quelque chose, gugus dans les épiceries, puis domper mon argent dedans. Prenez votre petit pourcentage, là. J'aurais pas à me casser la tête au moins, tu sais. Cinet nous dit que les kiosques sont disponibles dans des aéroports. Au Canada, ben, quoi, là. En Turquie. En Géorgie, en Italie, en Israël, au Japon et aux Philippines. Hong Kong, Australie, Inde, Indonésie et Malaisie s'en viennent très bientôt. Donc vraiment super utile. Ensuite, on parle de jeux vidéo. Colin, c'est tellement rare qu'on a le temps de se rendre jusqu'aux nouvelles de jeux vidéo. Parce que je mets les nouvelles de jeux vidéo, un petit secret comme ça de préparation, à la fin de mon bloc. sachant très bien que je vais jamais les faire. T'sais? Donc parlons-en cette semaine, pas de rupture de stock pour la Nintendo Switch apparemment, alors que la version miniaturisée de la console NES, la NES Classic Edition, est pratiquement introuvable en magasin depuis son lancement le 11 novembre, la Nintendo Switch ne devrait pas subir le même sort. En effet, à quelques mois de la sortie mondiale de sa nouvelle console, Nintendo se fait rassurante quant à la disponibilité des stocks de la Nintendo Switch. Dans une entrevue accordée à Wired, le président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, a affirmé que le fabricant ferait tout en son possible pour distribuer convenablement la nouvelle console. On en parlait d'ailleurs de la rupture de stock avec Samuel Girard en tout début d'émission dans sa chronique de Gamer à un autre. Je cite, 2 millions d'unités seront distribuées dans le monde lors de la sortie de la console. Je sais qu'il y a une inquiétude autour des stocks, notamment à cause de la NES classique. Je dirais que 2 millions de consoles dans le premier mois est une quantité importante, surtout lorsque l'on sait que le lancement n'est pas durant la période des fêtes. Très bon point, et que le prix est quand même cher, 300$ US, 400$ canadiens. Donc leur objectif, dit-il, est de faire en sorte qu'un joueur qui veut acheter une Nintendo Switch puisse acheter une Nintendo Switch. C'est génial. Il faudra patienter jusqu'à la sortie de la console, qui est le 3 mars, pour voir l'engouement des joueurs envers la nouvelle console de Nintendo. J'ai beaucoup d'espoir pour la nouvelle Nintendo Switch. Je capote un peu. Et finalement, mais Colin, encore un petit peu d'insolite dans les jeux vidéo, c'est le classique NBA Jam qui a été mis à jour avec les alignements de 2017. Un adepte du jeu de basketball NBA Jam a entrepris de modifier la version originale pour Super NES afin de mettre à jour les alignements, d'ajouter des personnages secrets et de bonifier les interventions du commentateur. Donc, une copie retouchée du classique des années 90 permet de camper certaines des plus grandes vedettes du moment, comme LeBron James ou encore Russell Westbrook, d'autres personnages inusités comme Donald Trump, Kanye West ou même le regretté gorille Harambe sont aussi jouables. Malheureusement pour les amateurs des Raptors, l'organisation de Toronto ne semble pas figurer à l'écran de sélection des équipes. Par contre, un lien de téléchargement se trouve dans la description de la bande-annonce du projet sur YouTube, le lien sur assemblagerockey.com. Un émulateur, évidemment, de Super Nintendo est nécessaire pour faire fonctionner le jeu. Ce projet qui a été rendu public par son concepteur pour amasser des fonds pour la fondation Dana-Farber pour la lutte contre le cancer, donc en plus un bon projet. Voilà, c'est tout pour CNX. J'ai honnêtement réussi à passer au travers ce qui n'est pas arrivé depuis des années. De toutes mes nouvelles, rien, aucun restant pour la semaine prochaine. On repasse à neuf. C'est vraiment rare et j'apprécie tellement ça quand ça arrive parce que je suis un complétiste. Hein. Je suis pas capable de ne pas faire certaines nouvelles. Je finis par les remettre la semaine prochaine, à l'autre semaine d'après, puis il finit par s'en accumuler des milliers. Donc voilà, c'est tout. AssemblageRocky.com pour les liens. Et on termine l'émission là-dessus, juste à temps, pour terminer ça à l'heure. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis de 15h à 17h. On rappelle les jeudis à midi et les mardis à 10h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Rocky du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, ainsi qu'au Palmarès C'est fou les mardis de 14h à 17h. Consultez la programmation complète sur CIF.ca. Retrouvez les notes de l'émission, les balados diffusion sur AssemblageRocky.com. Les gars d'Audiomatique s'en viennent pour les auditeurs du mercredi à 17h. De la part de Samuel Girard et de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'est les Mathieu Plante. Vous avez été plantés, on se quitte avec une pièce de Celio, Burning Vengeance. À la semaine prochaine, bye bye.